femme. Quelqu'un me demande dans la vie ce que je fais, à quoi je pense, ce que je rêve dans mon lit. Je ne fais rien que de me priver l'envie de me lâcher et de souffler. Cette tête qui passe et sourit, j'ai envie de lui dire qui je suis. Que pour elle je changerai d'avis, oui pour elle, oui pour elle. Et toute la journée, je veux la trouver et je lui chanterai des chansons de charme, de charme. Chansons de larmes, de larmes. Désir de l'âme, de l'âme. Chansons de drame, de drame. Charmeur de femme, de femme. Vendeur de l'âme, de l'âme. Voleur de dame, de dame. Chansons pour femme, pour femme. Rien ne sert de crise et d'ennui, pas besoin de se lancer des défis. Pour cette fille qui passe et sourit, même si je suis fou d'elle, je suis fou d'elle. Je lui dirai des mots aussi, des airs en la, et moi-même en mi. C'est une musique de l'histoire de ma vie, de l'histoire de ma vie, de l'histoire. Et toute la journée, je veux la trouver et je lui chanterai des chansons de charme, de charme. Chansons de larmes, de larmes. Désir de larmes, de larmes. Chansons de drame, de drame. Charmeur de femme, de femme. Vendeur de larmes, de larmes. Voleur de dames, de dames. Chansons pour femme, pour femme. Des chansons de charme, de charme. Chansons de larmes, de larmes. Désir de larmes, de larmes. Chansons de drame, de drame. Chameur de femme, de femme. Vendeur de larmes, de larmes. Voleur de dames, de dames. Chansons pour femme, pour femme. Chansons de charme, chansons de larmes. Désir de larmes, chansons de drame. Chameur de femme, de femme. Vendeur de larmes, de larmes. Chanson pour femme. Et j'écouterai ces histoires, ces pleurs et ce déboire. Je changerai ces idées noires en un immense espoir. Et j'écouterai ces histoires, ces pleurs et ce déboire. Je changerai ces idées noires en un immense espoir. Et j'écouterai ces histoires, ces pleurs et ces déboires. Je change ces idées noires en un immense espoir. Et j'écouterai ces histoires, ces pleurs et ces déboires. Je change ces idées noires en un immense espoir.